en discussion aujourd'hui, oui. Mes très chers amis. On va parler de Kickstarter. Ouais. En fait, il y a un fan qui nous a demandé de parler de Mighty No. 9. Oui. Puis on va en parler d'ailleurs. Puis nous autres, on s'est dit, hey, on va parler de Kickstarter aussi, tant qu'à y être. Oui. Puis c'est un sujet intéressant. Mais je voulais ouvrir, moi, avec Mighty No. 9, d'ailleurs, oui. Parce que ça a été pas mal big dans les news. Puis c'est Keiji Inafune, c'est le même qu'on dit ça. Donc le créateur de Mega Man, oui. Qui comme il a dit, bye Capcom, je pars un autre robot. Il va s'appeler Beck, puis ça, le jeu va s'appeler Mighty No. 9. Puis là, ça bang, mon gars. Le monde, ils ont backé ce projet-là. 4 millions. C'est fou, hein? Ils ont tout atteint, ils ont tout dépassé, man. D'une shot, là. C'est incroyable. C'est, les gens ont même pas hésité, mais tu sais, il y a une autre affaire aussi, quand même. C'est que depuis un bon bout de temps, puis il y a même un groupe Facebook pour ça. Je pense que c'est 40,000 Strong for Mega Man Legends. Puis c'est ça, Mega Man Legends, c'est un jeu qui m'est très cher dans l'univers de Mega Man. Puis il n'est jamais sorti. Puis Keiji Inafune, il était supposé travailler là-dessus, puis finalement il laisse tomber. Fait que tu sais, là, il s'en va sur Mighty No. 9, mais Legends est encore chez dans Capcom. Le néant comme ça chez Capcom. Ouais. Fait que tu sais. Empêcherait Capcom de continuer faire un nouveau de leur bord pour exact. Faire un nouveau Mega Man. Ça va arriver, là, sûrement. C'est sûr que ça va façon. Arriver. Mais là, parce que ce qu'il y a de bon avec le projet de Mighty No. 9 aussi, c'est qu'ils sont allés chercher les membres originaux. Ouais, le cast original. Le cast est incroyable. Là. J'ai pris une couple de notes. Pour le game design, c'est la même personne qui a fait Mega Man 1, puis qui a travaillé sur le 2, le 5 et le 6. Pour le character designer, c'est un gars qui a fait les personnages de Street Fighter Alpha, ouais. Darkstalkers et puis Zelda Minish Cap. C'est grosse gueule. Puis, ah ouais, c'est clair. Puis la musique, c'est la même femme qui avait fait la musique pour Mega Man 1, qui a travaillé aussi sur le 10, ouais. Et qui fait la musique de Shovel Knight, un autre beau projet Kickstarter, on va en parler tantôt. Puis, l'as-tu écouté le thème de Mighty No. 9 qu'il ouais. avait fait? Il est sur Kickstarter. Il, écœurant, là. Il est bon, mon gars. Il est vraiment moi, bon. Moi, je m'attendais à Mega Man 2, genre, né, né, né, né. Ouais. Mais non, c'est genre full. C'est comme aspirationnel, tu sais. Ah, mais ça puis je trouve que ça fit la renaissance d'un robot, tu sais, de Keiji. Mais ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que j'ai l'impression que lui, ce qu'il veut faire avec ça, puis de ce qu'il a écrit, puis ce qu'il a donné comme information, ça marche, c'est que il veut que ça soit comme quasiment, tu sais, passer le flambeau, que la légende ouais. vit toujours, mais maintenant, c'est un nouveau héros, fait que sans même parler de Megaman, On le sait tous, puis on le voit, puis ça paraît aussi, tu sais. C'est ça que je trouve. Mais en même cool, temps, t'sais. C'est parce qu'il sort de Capcom, parce ouais. que Keiji se dit, tu sais, Capcom, ils font chier mon personnage, ouais. puis on est tous d'accord, anyway, Capcom chie tout depuis ben un oui. petit bout, là. Puis Capcom, ils sont en train de faire mourir Mega Man tout seul. Fait que lui, il se part une autre affaire. Mm. Puis le partage d'autres projets sur Kickstarter, c'est quand même big, là, bon, tu sais. Oui. Quand c'est rendu que le monde, il quitte les grosses compagnies pour partir solo, ouais. Puis là, les fans à eux-mêmes, genre, ils donnent. Tu sais, s'ils avaient fait un nouveau Mega Man, mettons, à Capcom, combien d'argent qu'ils auraient eu pour faire ça? Je ouais, sais pas, je connais sûr, pas ça, là, non, mais pas mal moins, ouais. Tu sais. Et aussi, il y aurait eu beaucoup. Moi, c'est ça que j'aime de Kickstarter, c'est que contrairement aux grosses compagnies où tu réponds de quelqu'un qui va fucker ton trip créatif. Exact. Ben là, ton trip créatif, il se rend jusqu'à la fin parce ah, que t'as ouais. l'argent, c'est ta responsabilité, puis t'as des comptes à rendre à ces gens-là. Ça va être tellement meilleur. C'est sûr que ça va être tellement meilleur. Ah ouais, ouais. Le pouvoir vrai. Devrait être aux artisans. Puis là, c'est le fun, c'est le pouvoir aux artisans, puis le pouvoir au public. Ben oui. Je trouve que c'est le meilleur des deux c'est mondes. C'est le meilleur des deux c'est comme mondes. C'est tes fans qui c'est payent fans pour avoir quelque chose. Hey, c'est ça, tu sais. Ils viennent te voir et disent « J'aime ce que tu fais. Ouais, v'là de l'argent. Fais-nous un autre, s'il te plaît. » T'es comme « Oui, je vais vous faire ouais. plaisir. » C'est ça qu'il a fait, tu sais. Puis lui, justement, moi, j'avais trippé juste en voyant son vidéo de présentation. Ouais, avec, là. Parce qu'il disait, tu sais, je le vois que, tu sais, comme si on regarde les chiffres et tout ça, Megaman, c'est pas, ça vend pas tant que ça, mais je le vois quand je parle aux gens, tout ça, que c'est un personnage important pour eux autres, puis qui est big. Parce que c'est vrai, Megaman, c'est pas une série qui marche. C'est pas une série qui est fructueuse pour Capcom. Ils font pas d'argent. Ils font rien avec, de toute façon. Mais même en sortant Megaman 9, Megaman 10. Ouais, mais ça, c'était avec des petites choses. Ouais, c'est des petites choses, mais avec le. Je veux dire, avec le téléchargement et tout ça, puis avec, je veux dire, on est à l'ère où les gens vont voler plein de jeux. Ouais. Je suis sûr que ça les a rentrés dedans aussi, tu sais. Il y a des raisons financières derrière le manque de Megaman aussi. Là. C'est pas juste à cause que Capcom, c'est des mangeux de merde, là. Mais ils sont quand même mangeux de merde de pas avoir fait un Megaman 3D au moins. Tu l'as vu qu'ils ont essayé, puis c'était vraiment épouvantable. Ils pourraient se réessayer, puis qu'on leur pardonnerait leur bévue, tu sais. Mais c'est le problème, c'est pas genre qu'il y a plus personne de bon à Capcom, présentement. Tout le monde a sacré son camp. Puis, il y a encore du bon à Capcom quand même, là. Parce que moi, j'aime encore Capcom, là. Je suis pas parti de Capcom complètement, là. Ils ont du bon stock. Le problème, c'est pour certaines licences, parce qu'il faut aussi comprendre que il y a des licences qui appartiennent à certaines personnes chez Capcom. Puis Megaman, c'est une licence qui est comme mal aimée puis mal soutenue depuis tout le temps. Il faut être vraiment un hostie de cave pour mal aimer cette licence-là quand t'es le boss de Capcom. Selon nous, c'est ça l'affaire. Ouais, mais ce gars-là, il est pas allumé, il comprend pas. Il comprend pas qu'il y a une légende dans ses mains, qu'il peut y faire ce qu'il veut. Puis genre, il engage pas du bon monde pour la faire vivre, il laisse crever ça, tu sais. C'est les fans qui le font vivre, Megaman. Mais lui, il sait, ou il sait pas, apparemment. En tout cas, on n'est pas supposé parler de Megaman aussi longtemps. Mais Chris, moi, être le boss de Capcom, avoir Megaman, puis comme rien faire avec à ce point-là, puis savoir que les fans trippent sur ce gars-là, me semble que ça te sonne une cloche. Ouais, il me semble. En tout cas. Il me semble, mais moi, j'ai l'impression que le problème est plus large. C'est bien les affaires. C'est mal géré. Parce que ça peut pas être là comme. Ah, Capcom, c'est des mangeux de merde, fait que je suis parti. Il n'y a pas juste ça. On connaît rien, on sait rien. Ben, on sait rien. Je sais que c'est de la business, de toute façon. C'est mal géré à des places. Des mauvais gestionnaires, il y en a dans toutes les entreprises. Tout est une question de cash, tout le temps, partout. Mais, fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Puis, tu sais, pour Mighty No. 9, visuellement, c'est vraiment écœurant. C'est vraiment cool ce qu'ils essayent de créer. Puis, ça me fait vraiment penser à Megaman X. Ouais. C'est pratiquement la même affaire. Mais moi, je le trouve pas si beau que ça, Beck, par exemple. Il est pas slick, je le trouve un peu. C'est peut-être la nouveauté aussi. Mais moi, je trouve qu'il fait le trip Megaman, Astro, le petit robot. Il fait Astro, c'est un peu vraiment plus que le X, même mettons. Type là. Sauf que ce qui est intéressant de Mighty No. 9, c'est qu'il peut switcher son bras, puis que son bras devienne plein d'autres choses, tu sais. Électroniquement, ça, c'est vraiment cool. Mais si on revient à Kickstarter, il n'y a pas juste du bon à Kickstarter, hein. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus, puis c'est assez facile de faire des recherches Kickstarter Gone Wrong. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont participé à Kickstarter, des backers, puis qui se sont fait avoir genre des trucs qui n'ont jamais eu lieu, des affaires qui n'ont jamais sorti. Mais comment ça marche? Quand tu backs de quoi, puis le projet ne se rend pas, tu perds pas ton argent? Oui, tu perds ton argent. Tu perds ton argent en tant que backer. Oui. Elle va où cet argent-là? Elle va à la personne qui part le projet. Fait que tu sais, lui. Fait que si moi je me pars un projet, je veux 100 000. Finalement, je me ramasse, les gens ils payent juste qu'à 50 000. Faut j'ai que tu 50 rendes... 000 pareil. Ouais, c'est ça, faut que tu te rendes à ton financement. Ouais, mais si tu te rends pas. Mais si tu te rends pas, il me semble que c'est annulé puis ça fonctionne. C'est ça, mais toi en tant que backer, ton argent te revient. Oui. Ok, c'est ça, je voulais savoir. Mais si ça se rend. Comme je sais qu'il y a eu un fameux « Ah, ça y est! » Mais s'il y a eu un, s'il y a eu un, un, un backer. Excusez, il y a des bruits d'un jeu, mais. Il y a un jouet pour enfants qui vient de partir à côté de ça. Mais... Ce que je disais, c'est qu'il y avait un. Il y avait un. Bon, là, il y a un chien. Il y avait un projet. Il y avait un projet que c'était comme des espèces de lunettes de soleil super intelligentes. Puis ça s'est rendu à terme. Les gens ont mis plein d'argent là-dedans. Puis finalement, le gars, il s'est poussé avec le cash. Puis ça a pas. Il est où, tu sais? Ah, c'est sûr que ça peut arriver des affaires là-dedans. Ça peut arriver. Mais dans l'industrie du jeu, j'ai l'impression que ça arrive moins. Ouais. Il y a un revers, par contre, à ça, ce qui est pas cool, c'est que des fois, les backers se prennent contre le développeur de jeu. « Hey, ça arrive pas assez vite. Hey, t'avais dit que ça arriverait en mars. » Puis là, Chris, on est en avril, puis il n'y a rien de sorti encore. T'as des deadlines à matcher, là, absolument. T'as des deadlines à matcher, mais aussi, des fois, je trouve pas ça cool. C'est comme... Ben, c'est important qu'il y en ait. C'est important qu'il y en ait. Parce que s'il n'y en a pas, là, ça s'étire. Puis toi, en tant que backer, t'as jamais ton argent. T'as jamais ton jeu, ton affaire, tu sais. C'est important. Ça prend des deadlines. Sauf que c'est long faire un jeu. Fait que je me dis, tu sais, aussi, des fois, je trouve que. Des fois, les backers sont vraiment intenses, là. Ouais, mais c'est toi qui mets tes propres deadlines dans ton projet. Mettons Mercenary Kings, là, qui a été fait ici à Montréal. Moi, j'ai discuté avec Patrice qui a fait la musique, m'expliquait ça, tu sais. Avec Kickstarter, t'as des deadlines, puis oui, il faut que tu sortes, rendu à telle date, il faut que tu sortes ton affaire. Ouais. C'est pas les fans qui l'exigent, ça fait partie comme du contrat. Ouais. T'as pas le choix. Là, puis c'est correct aussi, parce que sinon, il y aurait tout le temps des slackers ou whatever qui pousseraient ça. Puis là, comment après ça avoir un certain contrôle? Je sais pas s'il y a des pénalités. Là. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas non plus comment ça fonctionne. Puis je sais aussi que d'ailleurs, quand tu participes à Kickstarter, tu perds une bonne. Faut que tu donnes une bonne partie de ton financement à Kickstarter lui-même. Ben, ça représente une somme assez importante aussi. Ah oui, tant que ça? Oui, vraiment. Okay. C'est pas genre une pièce là, sur 100 pièces. Là. Ça avait l'air d'être plus genre 10% et peut-être plus, je sais pas, là, mais c'est assez substantiel. Okay. Là, fait que j'ai fait le saut. Ça mériterait qu'on se renseigne. Ben oui, certain. Mais moi, ce que j'aime de Kickstarter... As-tu déjà backé quelque chose? Moi, j'ai backé un jeu, puis c'est vraiment ridicule parce que je me souviens plus du nom. C'est une affaire, avec un chapeau. C'est vraiment comme le c'est vraiment épouvantable que je me souvienne pas du nom. Un jeu avec un chapeau. C'est comme sous quelque chose. Puis j'ai vu le projet, puis j'étais vraiment émerveillé parce que c'est un gars qui veut le retour des platformers 3D. Moi, j'étais un gros fan des platformers 3D. Je trouve qu'il y en a pas assez. Crash Bandicoot. Ça existe pas assez. Ça, c'est le fun. C'est cute, c'est beau, c'est magnifique. Puis, lui, c'est ce qu'il veut. C'est, il veut le revival de ça. Fait qu'il prend vraiment le meilleur du platforming 3D pour faire un jeu. Puis, il dit au monde, c'est quelque chose qui vous intéresse? T'sais? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant en 2013 d'avoir un jeu comme ça? Puis, le financement fonctionne à merveille. T'sais, ça va super vite. Fait que, tu sais, ça, moi, c'est ça. C'est dans le fond, je back pour des affaires qui me parlent vraiment directement. Mais des fois, c'est drôle comme. Ben, moi, Mighty No. 9, j'ai pas backé. C'est ça, j'ai pas backé parce que j'étais arrivé, puis là, c'était comme. C'était fait. Ouais. Ben, moi, c'est ça qui m'arrive souvent. Moi, j'ai deux autres projets que j'aime beaucoup présentement. C'est Shanté, Half Genie, Half Hero de WayForward. Puis encore une fois, eux autres sont pas allés demander à telle grosse compagnie, hey, pouvez-vous nous aider, backer notre jeu? On va le produire, Shanté en 3D. En HD, c'est le temps que ça se fasse. T'sais. Ils sont allés sur Kickstarter, bang! Les fans ils ont dit, on veut chanter en HD. Ben oui. Ils ont leur cash, puis ils le font, man. C'est-tu pas merveilleux, encore une fois? Je capote. Mais moi, j'aime beaucoup chanter. Ouais. Toi aussi, je pense. Oui. Puis, tu sais, là, j'ai comme écrit ça sur Twitter cette semaine. Hey, Shanté va avoir le saut de Mighty Switch Force parce qu'ils ont atteint un certain niveau d'argent. Puis là, il y a un gars qui me répond sur Twitter. Ah ouais, as-tu backé le projet? Là, Non. Mais, puis aussi, River City Ransom Underground, qui vient juste de passer cette semaine, puis ils l'ont atteint, puis c'est vraiment cool. Puis toi, tu parles de platformer 3D, moi, c'est vraiment platformer 2D. Ouais. En fait, mais comme, yes, 2D all the way, là, tu sais. C'est parce que présentement, là, il y a une chier de platformer 2D. Ouais, là, Shovel Knight aussi, là, comme... quand Shovel Knight va sortir sur 3DS, tu sais, je l'achète, c'est sûr. Mais tous ces beaux projets-là que j'ai pas backés, ils se font pareil, fait que je vais les acheter. Là. Ben moi, j'en veux pas de t-shirt, j'en veux pas de cochonnerie. Puis on dirait que les affaires arrivent pareil. Ouais. Je sais pas. Là. Mais en même temps, c'est une autre belle façon d'encourager ces gens-là. Je pense pas acheter que ta le façon, jeu. Ouais. Je pense pas que ta façon est moins bonne qu'un autre. C'est vrai. C'est hey, comme... Ça me fait du bien que tu dises ça. Mais oui. Ça me réconforte. Écoute. Parce que je veux dire, Chris, je back pas les projets. c'est pas cool ça. Mais non, mais je les achète par après. C'est ça. C'est pareil aussi. Comme quand tu achètes un jeu 60$, ben tu votes avec ton argent. Là. Tu fais comme, ouais. Regarde, moi je l'ai dépensé, puis je le paye, puis je suis super content, puis à la limite, tu vas acheter. Des t-shirts, du merch, de tout ça, tu vas acheter la trame sonore, tu vas trouver une autre façon de donner de l'argent à ces gens-là. Parce qu'aussi, il y a l'après Kickstarter, d'après moi. Là. Une fois que c'est sorti, c'est bien beau, ils vont le donner aux backers, mais faut qu'il y ait le monde qui font perdurer justement la popularité de ce jeu-là ou de ce projet-là. Faut que le jeu marche. C'est ça. Que ce soit un bon jeu. T'sais, c'est comme Ouya, c'est un Christy de beau projet. Mais là, maintenant, tout le monde qui l'a. Y a-tu quelqu'un qui en parle? Ouya, y a-tu quelqu'un qui joue avec sa Ouya présentement? Le monde en parle, mais sacrément. Je me rappelle, le monde disait hein, quoi, Xbox, PlayStation 4? Ouais. Je m'en sac. Je vais avoir ma Ouya, man. C'est l'avenir. Personne, tu sais. C'est triste. Un méchant pétard mouillé. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, y a ça aussi qui m'attire et qui m'attire pas. Ouais. À backer un projet, c'est les choses que tu peux avoir. T'sais. C'est le fun de backer quelque chose quand tu dis je vais avoir de quoi d'intéressant. En ou, plus. T'sais, d'ailleurs, j'ai ça vu va me donner un insight parce que juste de dire là, vous avez des nouvelles du jeu avant tout le monde, c'est la bullshit. Un wallpaper de Shanté, je m'en sac même. Je vais m'en faire un moi-même dans Photoshop avec les images dans le Google Images. Tu sais, on est à l'ère d'Internet. Des nouvelles sur un jeu ou des nouvelles, c'est n'importe quoi. Il y a des spoilers avant ben tout, oui, on ben sait oui. La fin d'un film avant qu'il sorte, fait que tu sais, c'est plus exclusif. Moi, c'est ben, comme, la limite, quoi de palpable, des collectibles, la limite, boss, est là aussi. Ça, est-ce t'sais. Que tu back jusqu'à 25$ pour avoir un t-shirt, mais le jeu, si tu l'achetais, il serait genre 15$, ouais. Tu comprends? Là, oui. Combien tu payes de plus en tant que backer pour avoir ta cochonnerie de plus que ça vaut la peine comparativement à attendre que le jeu sorte? Il y a ça aussi, tu sais. Shovel Knight, ça va coûter quoi, ça? 10$, sûrement? Un peu vrai. Si j'ai le bac pour 25$, je vais pas regarder, mais il me donne quoi, tu sais, avec ça? Genre, des cochonneries que je mets en sac, là, des t'sais. Cochonneries. Fait que, il y a ça, là, tu sais. Oui. Puis aussi, moi, il y a pas juste des jeux là-dessus. Je t'ai montré ça cette semaine. Il y a un gars qui reprend des façades d'arcade en haut, là. Ouais, il va faire un. Il les refait, là. Je sais pas comment, man. Il les retrace à l'ordinateur, il les reprint. Excusez, le jouet pour enfant est encore parti. Une cave de fou, ça! Puis c'est ça, il veut faire un livre avec ça. Ouais. Puis à un moment donné, si tu le backs jusqu'à 50$, il t'envoie aussi un façade d'arcade de ton choix. Ouais, ça, c'est celle dans le haut, là, je parle, les rectangles de même. Là, cool, ça. Puis si tu backs à 75$ ou 100$, t'as droit à le livre avec ton nom sur le livre et trois façades d'arcade. Ah. Là, tu te dis. Des façades d'arcade demain, t'achètes ça au Urban Outfitters ou whatever, là, ils vont te coûter 30$. Ben oui. Fait que finalement, ça revient un bon deal. C'est bien plus authentique. C'est beau, puis c'est authentique, t'encourages un artiste. Ouais. Fait qu'il y a des belles choses comme ça sur Kickstarter aussi, des livres, puis des mais affaires. Mais c'est ça, je trouve que des fois, là, il y a un manque de balance. Là. Tu fais comme Chris, faut que je me rende à 150$ pour avoir de quoi de légèrement intéressant. Ouais. Comment c'est pas tout le monde qui a la même bourse là, non, pour c'est un ça. Jeu, tu sais. Ben faut que tu sois moi comme pour mon exemple, je me dis je serais prêt à payer pour des vraies œuvres d'arcade de même pour mettre ça dans ma game room parce que ça serait beau, j'aimerais ça avoir ça à un moment donné. Fait que voilà une belle occasion. Mais il faut que tu sois prêt à faire une dépense de 100$. Ben puis c'est correct dans ce temps-là. Souvent, mais si toi tu t'en sacs des covers d'arcade, ben là, c'est un peu cool. Ça donne rien. Là. C'est parce que souvent aussi le projet va sortir comme un an et demi après que tu as mis ton cash, tu sais. Fait que. Il y a ça aussi. Là, moi, tu déménages, ça marche plus dans ta maison, tes belles façades d'arcade. Ça m'achale aussi, ça. Tu sais, je suis comme, release date 2015. Là, t'es comme, va falloir j'attendre comme 2 ans pour jouer puis pour avoir mon porte-clés. Tu sais, t'es comme, je veux que mes clés tiennent ensemble tout de suite. Mais vous autres, dites-nous sur Facebook, avez-vous déjà backé des projets? Lesquels? Croyez-vous en ça? Pensez-vous que Kickstarter, ça a de l'avenir? Moi, je pense que quand même, Kickstarter, c'est... Ça a de l'avenir. Moi, ça je de l'avenir pense que c'est le prochain bon modèle d'affaires. Là. Exactement. C'est un excellent modèle d'affaires. C'est un, comme on disait, c'est un modèle qui encourage autant le consommateur que le créateur. Ouais. Puis ça élimine tous les intermédiaires de business, de gosseux, de changeux, ouais, de patentes, là. Tu sais, ceux-là qui diluent un produit. Oui. Là. Ma femme m'a dit que c'était beau, mauve. Ben ouais, c'est mais ça. Ça, mauve. Un projet suradministré, là, ouais, comme le gouvernement, comme une grosse agence de pub, c'est diluer, diluer, diluer, diluer. Alors, ouais, avec Kickstarter, on enlève tout ça et place aux artistes et place à vous. Moins 10%.